un bâton orange et blanc que je tiens entre mes dents. De mes lèvres sort la fumée, et parfois même de mon nez. Elles s'envolent en volute pour tournoyer sans but. Et parfois pour faire le con, je m'amuse à faire des ronds. Laissez-moi mes cigarettes, hors de question que j'arrête. Crever d'un cancer du poumon, ça fait moins de temps dans ce monde de cons. Laissez-moi mes cigarettes, hors de question que j'arrête. Quand j'en ai marre de me faire taxer, je vais faire mes courses à l'étranger. Dans le nouveau millénaire, on se fout bien de nos nerfs. Pour nous mettre dehors, c'est une loi qui sort. Et on augmente les prix pour un max de profit. Résultat, quelle surprise, il y en a plein nos valises. Laissez-moi mes cigarettes, hors de question que j'arrête. Crever d'un cancer du poumon, ça fait moins de temps dans ce monde de cons. Laissez-moi mes cigarettes, hors de question que j'arrête. Quand j'en ai marre de me faire taxer, je vais faire mes courses à l'étranger. Notre gouvernement ne comprend pas vraiment que d'entretenir ce vice, c'est leur rendre service. Car grâce aux cigarettes, on n'atteint pas la retraite. Ça fait moins de cotisations pour la prochaine génération. Laissez-moi mes cigarettes, hors de question que j'arrête. Crever d'un cancer du poumon, ça fait moins de temps dans ce monde de cons. Laissez-moi mes cigarettes, hors de question que j'arrête. Quand j'en ai marre de me faire taxer, je vais faire mes courses à l'étranger. Laissez-moi mes cigarettes, hors de question que j'arrête. Crever d'un cancer du poumon, ça fait moins de temps dans ce monde de cons. Laissez-moi mes cigarettes, hors de question que j'arrête. Avant d'écrire mon épitaphe, laissez-moi juste une dernière taf. Une dernière taf. Une dernière taf. Une dernière taf.